Marbella. Tu amo a soleil ma vera. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero. J'ai juste invité à dîner. Elle dans sa tête, elle veut déjà se marier. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais. Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Elle me demande mon numéro. Mi amor, mi amor. Changement de décor. Mi amor, mi amor. J't'ai vu depuis le Mirador. Les cadavres à l'abri. J'donnerai tout pour ma famille. S'éloigner des ennemis. Faire plaisir à mon papy. J'veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Pile et violet vient de caramello. J'veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Traficante est toujours dans le bello. Que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Ouais. Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Elle me demande mon numéro. Mi amor, mi amor. Veux changement de décor. Mi amor, mi amor. J't'ai vu depuis le Mirado. Yeah. C'est le tube de l'été, mesdames et messieurs. Mi amo. J't'ai vu depuis le Mirador. Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Elle me demande mon numéro. Mi amo, mi amo. Veux changement de décor. Mi amo, j't'ai vu depuis le Mirador. Est-ce que vous allez danser cet été sur Mirador? C'est le tube de l'été, c'est pour Chloé. C'est ma fille Chloé. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais.